coiffeur, c'était samedi soir. La gendarmerie avait mis en place un dispositif pour sécuriser les lieux dès hier soir. La rave party s'est arrêtée au Waffle dans l'heure où c'est tenu. Une rave party, une rave party. La rave party, party. Une rave party, la rave party. Une rave party, rave party, rave party, rave party. Ah mais ferme ta gueule! Rave party, rave party. Connasse va, on dit une free party putain. Une fête sauvage, ouais. Fête sauvage. Fête sauvage.